Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale, je suis ravie de vous retrouver. D'ailleurs c'est la dernière semaine avant les vacances, on va en profiter. Nous sommes le lundi 25 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Prospères, ça vient du latin signifiant avec bonheur. Prospère est un homme viril, fort, orgueilleux, ambitieux et un certain magnétisme se dégage de sa personne, atout qu'il entretient d'ailleurs. Son apparence est agréable, il allie charme et élégance à une présence sécurisante. Très strict, il ne s'agit ni de le tromper ni de l'abuser. Sa vision du monde est quelque peu manichéenne. En effet, pour lui, la vie est simple. Il y a les méchants et les gentils et il n'a pas de temps à perdre avec les premiers. Trois lettres de valeur, une dans un prénom de sept lettres lui confèrent un grand besoin d'autorité et le désir de prendre et d'assumer des responsabilités. Sa puissance de travail considérable s'exprime plutôt dans des réalisations concrètes et matérielles. C'est un homme de terrain qui sait prendre des initiatives. Il se montre rapide d'exécution, souvent même un peu dur, brutal, intolérant et impatient. Il estime avec bon sens que ce qu'il peut faire, les autres le peuvent aussi. Il est perfectionniste, voire maniaque aussi, sa conscience professionnelle est-elle très forte. Ne le vexez surtout pas, car sa susceptibilité est extrême à la hauteur de son orgueil. C'est un homme sûr, généreux, moral, bien que souvent intéressé financièrement. Dicton du jour, le jour de la Saint-Prospère, n'oublie pas de fumer la terre. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des gens de mer, instaurée par l'Organisation Maritime Internationale. En Croatie, c'est la fête nationale qui commémore la déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie. Aux États-Unis, c'est la journée nationale du poisson-chat, décrété en 1987 par Ronald Reagan. Dans l'état de Virginie, c'est la fête de l'indépendance. Au Mozambique, c'est la fête nationale. Aux Philippines, c'est la journée nationale de l'arbre. Et en Slovénie, c'est la fête nationale commémorant la déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'ex-Yougoslavie. Ça s'est passé un 25 juin 1857, publication des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. 1910, création de l'oiseau de feu à l'Opéra de Paris par Igor Stravinsky. 1975, indépendance du Mozambique. Et 1991, déclaration d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Allez, première pause musicale avec la chanteuse Erika Gimpel qui interprète le titre Fame. We'll be right back. Le titre Fame, interprété donc par Erika Gimpel sur RJM, presque 8h37, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 25 juin 1954, naissance de David Peck, claviériste américain du groupe Toto, connu notamment pour leur titre Africa, dont on écoute tout de suite un extrait. Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Voilà pour l'extrait du titre Africa, interprété par le groupe Toto. On continue les anniversaires. 1961, naissance de Ricky Gervais, humoriste, acteur britannique, vu dans La Nuit au Musée 1, 2 et 3 dans le rôle de Monsieur McPhee. La série télé The Office dans le rôle de David Brent. 1964, naissance d'Erika Gimpel, actrice et chanteuse américaine, connue pour avoir interprété donc le titre Fame de la série du même nom, dans laquelle elle interprète le rôle de Coco Hernandez et vue également dans Urgence, Roswell, Jacques, Véronica Mars, Esprit Criminel ou encore Grey's Anatomy. 1968, naissance de Pierre-François Martin Laval, acteur réalisateur français, vu dans la série télé Soda, Disparu ou encore Capitaine Marlowe. Au cinéma, réalisateur et scénariste des films Les Profs 1 et 2 de Gaston Lagaffe. Et en tant qu'acteur, on a pu le voir dans La Fille sur le Pont, La Vérité si je mens 2, La Tour Montparnasse Infernale, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Essaye-moi, Les Vacances de Ducobu dans le rôle du père de Ducobu, Les Profs 1 et 2 dans le rôle d'Antoine Polochon ou encore Gaston Lagaffe dans le rôle de Prunel. 1969, naissance de Cyril Aubin, acteur français, vu et connu pour son rôle de Johnny dans Le Miel et les Abeilles, son rôle de Benoît dans Les Nouvelles Filles d'à côté, vu également dans Joséphine Ange Gardien, Profilage, Camping Paradis ou encore Fais pas ci, fais pas ça. 1971, naissance de Bruno Guillon, animateur radio et télé français qui présente depuis le 1er février 2018 l'émission Les Amours. 1972, naissance de Mike Kroger, musicien canadien du groupe Nickelback. 1975, naissance d'Albert Costa, ancien joueur de tennis espagnol qui a fait carrière de 1993 à 2006, qui a été numéro 6 mondial en 2002, qui a gagné une fois Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à l'US Open et 32e de finaliste à Wimbledon. Il a remporté une Coupe Davis en 2000 et une World Team Cup en 1997. 1979, naissance de Busy Phillips, actrice américaine, vue au cinéma dans FBI, fausse blonde infiltrée dans le rôle de Karen, Ce que pensent les hommes dans le rôle de Kelly Anne, la série télé Freaks and Geeks dans le rôle de Kim Kelly, Dawson dans le rôle d'Audrey Liddell, Urgence, Terminator, les chroniques de Sarah Connor ou encore Cougar Town dans le rôle de Laurie Keller. 1980, naissance de Philippe Lachaud, comédien, réalisateur, scénariste français, vu dans Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2 dans le rôle de Franck Amory, Alibi.com dans le rôle de Grégory Van Huffel, Épouse-moi mon pote dans le rôle de Fred, brillantissime. Et l'année prochaine, il sera à l'affiche du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon dans le rôle de Nicky Larson, actuellement en tournage. Scénariste des films Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2, Alibi.com et Nicky Larson, et réalisateur de Babysitting 1 et 2, Alibi.com et Nicky Larson. 1982, naissance de Mihai Yuzny, joueur de tennis russe professionnel depuis 1999. Meilleur classement ATP, 8e place atteinte en 2008, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, et il a remporté deux Coupes Davis en 2002 et 2006. 1991, naissance de Christa Terray, actrice française découverte dans le film LOL où elle interprète Lola, et vue aussi dans La Brindille dans le rôle de Sarah Dole. 1993, naissance de Barney Clarke, acteur anglais connu pour son rôle d'Oliver dans le film Oliver Twist. En 2002, naissance de Mason Valcotton, acteur américain connu pour son rôle d'MJ Delfino dans la série Desperate of the Eyes et vu également dans la série Mad Men dans le rôle de Bobby Draper. En 1894, décédé Sadi Carnot qui fut président de la République française de 1887 à 1894. En 1997, décédé Jacques-Yves Cousteau, explorateur océanographique français connu pour avoir perfectionné avec Émile Gagnon le principe du scaphandre autonome avec l'invention du détenteur portant leur nom, pièce essentielle à la plongée sous-marine moderne. En 2009, décédé Michael Jackson, chanteur américain, et également Farrah Fawcett, actrice américaine, connue pour son rôle de Jill Monroe dans la série télé Drôle de Dame. Et en 2015, décédé Patrick McNee, acteur britanno-américain, connu pour son rôle de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, vu également dans Magnum, Pour l'amour du risque, La croisière s'amuse ou encore Arabesque. Allez, on écoute tout de suite le groupe Nickelback avec leur titre Far Away. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case there's just one left. I love you, I loved you all along. Nickelback avec le titre Faraway sur le 107 FM, presque 8h47, on parle météo. La météo. Alors, eh bien aujourd'hui, on aura une belle journée ensoleillée. D'ailleurs, ça devrait durer toute la semaine. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés cet après-midi. Les températures vont augmenter petit à petit au fil des jours. Pour mardi, ce sera compris entre 11 et 12 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés l'après-midi. Et pour mercredi, de 14 à 15 degrés pour le matin et entre 24 et jusqu'à 26 degrés prévu pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo, on passe maintenant à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec la Formule 1 et hier c'était le retour du Grand Prix de France qui a été remporté par Hamilton devant Verstappen et Raikkonen et malheureusement aucun Français n'a terminé dans les points puisque Romain Grosjean s'est classé 11e et que Gasly et Ocon, eh bien eux ont dû malheureusement abandonner dès le début de la course. Un mot de tennis avec le tournoi du Queen's qui a été remporté par Cilic qui a battu Djokovic en 3-7 et au tournoi de Halle. C'est Coric qui s'est imposé en finale face à Roger Federer en 3-7. À noter qu'avec cette défaite en finale, eh bien Roger Federer ne sera plus numéro 1 mondial à partir d'aujourd'hui. Décidément, ça ne fait que ça entre lui et Rafael Nadal. Un mot de Wimbledon qui va bientôt débuter et on apprend que Berdic doit déclarer malheureusement forfait. Deux tournois cette semaine, celui d'Antalya où aujourd'hui Pierre Hugerbert affrontera Delbonis. Et au tournoi d'Eastbourne, Mladenovic affrontera Watson. Et on connaît les nouveaux capitaines de Coupe Davis et de Fed Cup en remplacement de Yannick Noah. Alors pour la Coupe Davis, c'est Amélie Mauresmo qui a été nommée au poste de capitaine. Elle devient ainsi la première femme capitaine de Coupe Davis. Et en Fed Cup, c'est Julien Beneteau qui sera donc le nouveau capitaine. Un mot de boxe, Tony Yoka a remporté son 5e combat chez les pro. Allez, on s'envole tout de suite pour la Russie. Allez, tous les résultats de ce week-end. Brésil s'est imposé 2-0 face au Costa Rica. Le Nigeria s'est imposé 2-0 face à l'Islande. La Suisse s'est imposée 2-1 face à la Serbie. La Belgique s'est largement imposée face à la Tunisie, 5-2. Le Mexique continue sur sa belle lancée dans cette Coupe du Monde. Elle s'est imposée 2-1 face à la Corée du Sud. L'Allemagne s'est imposée au bout du suspense face à la Suède, 2-1. L'Angleterre s'est imposée 6-1 hier face au Panama. Le Japon et le Sénégal se sont neutralisés 2-2. Et enfin, hier soir, la Colombie s'est imposée 3-0 face à la Pologne. Allez, les matchs d'aujourd'hui à 16h, il y aura Arabie Saoudite face à l'Égypte, l'Uruguay face à la Russie et à 20h, Espagne, Maroc et Iran. Portugal, si l'Iran vient eh bien, à s'imposer dans ce match, le Portugal serait éliminé de cette Coupe du Monde. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Michael Jackson et l'un de ses nombreux tubes, You Are Not Alone. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Yeah. You Are Not Alone, Michael Jackson sur le RGM. Je vais y arriver. Il est presque 8h57, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure des loups qui nous parle de Xertigny en transition. 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.